Carnet de notes de Luc Saint-Élie, le site est à http://audioblog.fr. En fait, c'est un raccourci vers le véritable nom de mon weblog qui est un peu plus long. Sur ce site, vous pouvez lire mes notes écrites, télécharger mes notes audio sous forme de fichiers MP3, les écouter en direct ou si vous utilisez un logiciel qui reconnaît le format podcast, les laisser se télécharger automatiquement. Vous pouvez également poser des questions, donner des réponses, donner votre avis. Et si jamais internet et le web c'est pas trop votre truc, vous pouvez également appeler mon répondeur la journée au 08 70 73 20 28 et me raconter, ou lui raconter plus exactement ce que vous avez à dire d'une voix suave et lascive. Avec un groupe de blues que j'aime bien, il s'appelle B.B. Chunking and the Buddha Heads, les têtes de Bouddha. En fait, B.B. Chunking, il s'appelle Alan Mirikitani. C'est lui qui chante, qui écrit les chansons et qui joue de la guitare. Pas mal le gars, hein. C'est un groupe de Californiens, j'aime bien ce qu'ils font. Aujourd'hui, je vais parler de plusieurs choses. La première, c'est une petite expérimentation que j'ai fait en ce qui concerne le bruit numérique, sur les photos, notamment avec mon D70. Petite expérimentation assez désespérante d'ailleurs. Puis la deuxième c'est un scoop, c'est que j'ai trouvé un peu par hasard pourquoi Nicolas Sarkozy, je rigole parce que ça n'a pas grand chose à voir avec la photo, a autant de succès avec les médias. Petite remarque également sur les histoires de positive attitude et puis deux ou trois bricoles sans grand intérêt pour finir. Alors on commence avec cette histoire de bruit. Le bruit, c'est pas un truc spécifique à la photo, c'est lié à tous les systèmes électroniques. Avant-hier, j'étais en train de faire joujou avec un logiciel qui sert à retravailler un fichier son. Ce logiciel possède une fonction de réduction du bruit. Le fonctionnement est assez simple, il faut enregistrer du silence, enfin de l'absence de son, ce qui est assez différent parce que le vrai silence, ça n'existe pas vraiment, surtout chez moi. Lorsque j'enregistre, il y a forcément un bruit de base. Parfois, si vous tendez l'oreille, vous devez même pouvoir entendre les voitures qui passent sous ma fenêtre. Donc, ce logiciel, il possède une fonction de réduction du bruit de façon assez simple et logique. Il faut lui faire analyser un morceau de silence, donc silence entre guillemets, et ensuite, il soustrait ce bruit du fichier son. Le résultat n'est pas parfait, mais il est mieux. Et je regardais cette fonction avec intérêt, et puis d'un seul coup, je me suis dit, mais t'es con, ça existe en photo, ça. Enfin, entre nous, quand je me suis dit, t'es con, je le pensais pas vraiment, parce que je suis assez indulgent avec moi. Donc, ça existe en photo, parce que, en pratique, les logiciels de réduction du bruit fonctionnent exactement comme ça. Il faut leur montrer une zone unie, un bout de ciel, un bout de mur, ou un truc du genre. Le logiciel analyse le bruit sur cette zone, et il en déduit la modification à apporter ensuite, et puis il l'applique à toute la photo. Si vous n'avez jamais essayé de ce genre de truc, j'ai mis sur la note écrite un lien vers Noise Ninja, qui est un des milliards de logiciels du genre, il en existe vraiment beaucoup, mais qui marche plutôt bien. Il est vendu, bien sûr, mais il existe une version de démo qui permet d'avoir une idée du truc. En fait, c'est pas vraiment une version de démo spécifique. Quand vous installez Noise Ninja, si vous n'avez pas de numéro de série, il marche en version démo, comme ça se fait souvent. Je crois qu'on peut enregistrer les images, mais il vous met un petit tag dessus, démonstration, machin bidule. Nikon Capture, donc le logiciel qui sert à traiter les fichiers RAW des appareils Nikon, a une fonction qui est, elle, dédiée à la suppression des traces de poussière sur les capteurs, qui marche plus ou moins selon ce principe. En le poussant un petit cran plus loin, on prend une photo de référence, et puis le logiciel donc Capture soustrait les traces qui sont présentes dans cette image de référence de la véritable image qu'on lui soumet. Alors j'ai jamais utilisé personnellement, mais Outback Photo, qui est un site plutôt bien, le lien lui aussi est sur la partie écrite de la note, on a fait le test et il est arrivé à une conclusion assez mitigée. En pratique, ils sont arrivés à faire aussi bien et plus vite avec le tampon de Photoshop. Enfin, donc j'étais en train de gamberger à cette histoire de bruit et en train de me dire surtout que l'idée de capture pourrait, de Nikon Capture, pourrait être appliquée au bruit. Photoshop a une fonction qui permet de soustraire un calque d'un autre, donc si on fait une photo normale dans des conditions où il va y avoir du bruit, et si ensuite on fait la même photo mais avec le bouchon d'objectif et en masquant l'œilleton de visée pour pas que de la lumière rentre dans l'appareil, normalement, on obtient donc deux photos, une toute noire, une théoriquement noire, mais qui en pratique ne le sera pas puisqu'il y a ce fameux bruit, et en la soustrayant de la photo originale, on devrait, en théorie, arriver à un résultat proche du nickel. Je ne suis pas un virtuose de Photoshop, et donc j'ai cherché une doc sur la meilleure façon de faire la manif. Je suis pas lycéen, moi. La meilleure façon de faire la manip, la soustraction de ces deux calques. Et donc j'ai fait classiquement un petit coup, un grand coup même de Google, et je suis tombé sur un texte qui explique exactement ce que je viens de raconter. Cette idée de réduire le bruit en superposant les deux images dans Photoshop. Alors au départ j'étais un peu vexé que mon idée géniale en fait s'avère être un truc connu de tout le monde, mais bon, je vous ai mis l'adresse de ce texte qui est en anglais dans la note écrite. Alors, ce texte, il est extrêmement intéressant. La manip qui est décrite ne fonctionne pas. Ça, c'est un petit peu contrariant. Mais en revanche, le texte est intéressant. D'abord parce que la première partie, c'est une longue dissertation sur les causes du bruit. Et puis dans la seconde, le gars décrit ce qu'il faudrait faire, en théorie, pour le supprimer, ce bruit. Donc dans le cadre de mes expérimentations du soir, j'ai essayé cette manip qui est donc à la fois simple et logique et qui consiste à dire si on photographie séparément le bruit Puis, si on le soustrait de la prise de vue réelle, on doit obtenir une photo idéale. Donc pour ça, ça se passe en deux temps. J'ai fait une prise de vue, elle est faite à 1600 ISO sur pied, c'est une photo du studio de 3000 m² où mon équipe et moi-même produisons ces notes audio avec du matériel pléthorique. Puis ensuite, j'ai remis le bouchon d'objectif et j'ai posé un t-shirt sur l'appareil pour qu'aucune lumière ne rentre dedans. J'ai tout éteint et j'ai repris la photo avec les mêmes paramètres. Je crois que c'était de tête, c'était 3 secondes à un diaphragme relativement fermé puisque j'étais à 1600 ISO. Pour ce qui est de la soustraction, alors c'est assez simple. Il y a quelques précautions qui sont expliquées par l'auteur de l'article. C'est de faire les photos en RAW, puis de les convertir en n'effectuant aucune modification autre que éventuellement la température de couleur, et surtout en désactivant sur le boîtier l'accentuation. Faire attention parce que par défaut elle est activée. C'est ce que j'ai fait donc. Ensuite, on ouvre les deux images, donc l'image toute noire et puis la prise de vue réelle dans Photoshop. On fait tout sélectionner, c'est CTRL A si vous avez un PC, POMA si vous avez un Mac de la photo noire, puis un coller sur l'autre, CTRL V ou POMV. À partir de ce moment-là, vous pouvez refermer la photo noire et côté la photo de la prise de vue, elle a deux calques puisque le copier copie sur un nouveau calque. Donc vous avez deux calques. Sur le premier calque, la photo noire et sur le calque de fond, la véritable prise de vue. Dans la palette des calques, il y a un petit pop-up menu. Il faut le mettre sur différence et avec une opacité de 100%. Et donc, en théorie, effectivement, ce calque du dessus, qui est un espèce de calque de contrôle, va être soustrait de l'image et on devrait avoir une image nickel. Eh bien, ça marche absolument pas. Ça marche pas du tout. Et sur le site en question, en dessous du texte, il y a un certain nombre de messages. Il fonctionne comme mon site à moi. On peut faire des commentaires, etc. Il y a un certain nombre de messages de gens qui ont essayé chez eux et qui, effectivement, expliquent que ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout, notamment pour une raison que j'ignorais personnellement, c'est que le bruit, il est déjà lié à un certain nombre de facteurs, mais il est lié également à la photo elle-même. Lorsqu'on prend une photo noire, enfin avec la lumière coupée, l'appareil avec le bouchon d'objectif, hein, tout masqué, tout est masqué, etc., le bruit n'est pas au même endroit que quand on prend la photo elle-même. C'est assez facile à repérer, à reconnaître, puisque le bruit, en fait, c'est des petits pixels de couleurs aberrantes qui sont placées à des endroits où ils ne devraient pas être. Donc si on fait ça avec l'outil Loop, par exemple, de Photoshop, on peut assez facilement voir où se trouvent les pixels qui composent ce bruit. Et dans les deux cas, il n'est pas exactement au même endroit. Ce qui fait que quand on soustrait, on massacre la photo plus qu'elle ne l'était au départ. Enfin, ça, en l'occurrence, avec un D70. Et les gens qui ont réagi dans cette espèce d'enfilade de commentaires, c'est surtout ceux qui ont des D70. L'auteur de l'article, lui, l'a fait avec un Canon. Il est possible que le capteur du Canon ne réagisse pas de la même manière. Mais ça veut dire qu'à minima, le capteur du D70, lui, a un comportement très différent selon qu'il reçoit de la lumière ou pas. Et le bruit, ça dépend déjà à la base d'un grand nombre de données qui vont de la constitution du capteur, mais jusqu'à la température de ce capteur. Les gens qui font de la photo astronomique, qui eux sont assez parano sur le côté bruit, puisqu'ils photographient des grands ciels tout noirs dans lesquels il y a des petits points lumineux qui sont les étoiles, donc ils ne peuvent pas se permettre d'avoir des petits pixels de bruit qui se baladent, ont fréquemment des systèmes qui ont des capteurs refroidis. Ce qui veut dire d'ailleurs en théorie que si on faisait la même photo en plein été, en plein soleil, et puis l'hiver quand il fait très froid, on devrait déjà avoir des niveaux de bruit différents. Ça explique aussi pourquoi nous on n'a pas avec nos appareils classiques un bruit complètement absent, puisque les photos on les fait dans des conditions qui sont très différentes avec des capteurs qui réagissent de manière différente. Bon, selon Laïus, pour dire qu'il existe déjà des raisons purement techniques, et bon, l'histoire de la température serait une parmi une foultitude d'autres, mais que dans le cas du D70, manifestement la lumière elle-même, la photo elle-même, a de l'importance sur cette histoire de bruit. Moi, ça m'a un petit peu déçu parce que quand j'étais en train de gamberger à ça au début, je me suis dit, ça va être génial, je vais pouvoir faire des photos de nuit, par exemple, qui est un cas type d'utilisation du D70 où il n'est pas extraordinaire pour faire des photos de nuit très très propres. C'est pas forcément évident. Les ciels sont rapidement assez crado. Ça va être super, en faisant cette histoire de soustraction, je vais pouvoir avoir des photos de nuit absolument fantastiques. Bon, voilà, ça c'est mal barré de ce côté-là. Et je me suis pris un peu au jeu, j'ai cherché comment on pourrait l'atténuer ou le supprimer. Et je me suis souvenu que le D70, il a une fonction de réduction de bruit. Alors je me suis précipité sur le manuel, que j'avais pratiquement jamais ouvert à ce point-là. Et effectivement, de tête, c'est page 166, je crois, je ne l'ai plus sous les yeux. Il a une fonction de réduction du bruit qui se met en marche, alors on peut l'activer ou la désactiver, mais qui se met en marche à partir de 1 seconde de pause. Puisque plus le temps de pause s'allonge, plus le bruit augmente. Alors j'ai essayé de faire une photo en l'utilisant. Elle est également dans les photos, les exemples que j'ai mis en téléchargement, hein, dont le lien est sur la note écrite, c'est un petit fichier zip. Et là c'est pire, cette fonction de réduction de bruit, alors il faut absolument pas l'utiliser, ou du moins faire beaucoup de tests avant. Il y a peut-être des cas de figure où elle est bien, mais alors dans les conditions où moi j'ai fait mon petit essai rapide comme ça sur un coin de table, c'était une catastrophe, parce que non seulement le bruit n'est pas réduit, mais la balance des couleurs bascule complètement. Là, vous verrez dans les photos témoins que j'ai mis, elle était traitée exactement de la même manière que les autres, enfin, c'est-à-dire de manière très simple, hein, faite en roue, ouverte avec capture, la balance des blancs réglée sur incandescent et sauvée en TIFF 16 bits. Eh bien, non seulement elle est plus vilaine que la photo faite sans réducteur de bruit, mais en plus, elle est complètement jaune, et d'un vilain jaune, enfin ça fait photo mal moulinée. Donc, je ne sais pas exactement ce que fait le processeur de Nikon quand on active cette réduction de bruit, mais alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que j'étais assez peu emballé. Tellement peu emballé que du coup, j'ai ressorti un vieux truc. C'est le fameux Noise Ninja dont j'ai parlé au début. Alors moi j'ai une version assez ancienne qui est une version 2, je crois, alors qu'il devrait en être au moins à la 4, pour voir ce que lui ferait par rapport à le peu d'essais que j'avais fait. Et franchement, vous le verrez, vous pouvez le voir vous-même, de ces différentes manies, c'est très clairement Noise Ninja qui s'en sort le mieux. Lui, il massacre pas les couleurs de la photo. J'ai repris la photo sans réducteur de bruit, ouverte avec Noise Ninja. L'avantage de ce petit soft également, c'est que l'éditeur fournit des profils pour les différents appareils. Donc je suis allé récupérer le profil du D70 parce que je ne l'avais pas encore utilisé sur des photos faites au D70. Et le résultat qu'il donne est plutôt honnête. Plutôt honnête par rapport aux autres, on est quand même à des niveaux de bruit qui sont assez énormes. Hein. Le D70 à 1600 ISO, c'est vraiment du crado, de la maison crado. Mais dans tous les cas de figure, Noise Ninja s'en est vraiment mieux sorti. Je ne sais pas si c'est le mieux des softs de réduction de bruit, mais la morale de cette histoire, c'est que si vous avez un D70 et que vous avez des problèmes de bruit, faut pas utiliser, ou du moins utiliser avec beaucoup de précaution, la fonction qui est intégrée à l'appareil, qui m'a relativement peu impressionné, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a peut-être des cas de figure où elle marche bien, mais enfin, en tous les cas, en lumière très très très basse, à 1600 ISO et en éclairage incandescent, c'est l'horreur absolue. En revanche, des logiciels de nettoyage de la famille de Noise, j'arriverai jamais à le prononcer, en plus je suis toujours enrhumé, donc c'est encore pire, donc de la famille de Noise Ninja, et ben c'est pas forcément un mauvais plan. En plus, comme il y en a plein d'autres, si ça se trouve, vous en trouverez qui marchent mieux et qui sont moins chers. Ça, c'est pour le D70. En revanche, l'auteur du texte, lui, utilise un Canon, et les résultats qu'il montre pour illustrer sa manip sont effectivement plutôt séduisants. Donc, il est fort possible que cette histoire de bruit relève d'un comportement très différent du capteur Sony qu'il y a sur le D70 par rapport au CMOS qu'il y a dans les Canon. Et si vous utilisez un Canon, en revanche, cette manip qui consiste à prendre une photo appareil complètement bouché, après avoir pris la prise de vue, la vraie photo, et à soustraire les deux en utilisant les calques de Photoshop, c'est très probablement quelque chose à essayer. Si ça se trouve, il y a des trucs sympas à faire avec. ça, c'était un peu sérieux et ça prend un peu la tête. Alors, on va se faire un petit coup de rock pour se relaxer. Il s'agit de Lollipop Lost Kill, un groupe de l'Ohio qui va nous hurler « Like a Disease ». Avec un sujet assez loin de la photo, c'est un petit mot sur Nicolas Sarkozy. J'ai un secret à partager avec vous. J'ai découvert par hasard pourquoi il est si populaire. Mais je suis pas sûr que vous allez pouvoir suivre, c'est pour bien comprendre comment ça marche, il faut avoir des lettres. Ou plus exactement, il faut avoir lu l'ouvrage d'un grand politologue qui s'appelle Rudyard Kipling, qui a écrit un traité de politique intérieure hexagonale sous le titre de « Le livre de la jungle ». En fait, je ne savais pas que c'était un traité de politique. Moi, ce bouquin-là, je l'avais lu quand j'étais môme. Et je l'ai compris en regardant une émission sur laquelle je suis tombé par hasard. C'est sur France 2, je crois. C'était une retransmission, une rediffusion d'une émission de Fogiel avec donc Nicolas Sarkozy. Bon, alors, je ne vais pas vous faire languir plus longtemps. Je vais vous dire le secret tout de suite. Si Nicolas Sarkozy est aussi populaire, c'est parce qu'il utilise la méthode de K.A., le serpent du livre de la jungle. Il hypnotise ses intervieweurs qui, du coup, oublient complètement de lui parler des choses importantes. Je regarde pas beaucoup la télévision, et encore quand je dis pas beaucoup, je suis gentil, je la regarde pratiquement jamais. Et en l'occurrence, je trouve l'émission de Fogiel vulgaire et assez inintéressante. Mais bon, celle-là, je suis tombé dessus par hasard, et au fond, je l'ai pas regretté parce que c'était un véritable chef-d'œuvre. Sarkozy, en début d'émission, s'est fait chahuter de manière assez prévisible sur le thème « Vous privilégiez la forme sur le fond ». Et il a répondu assez honnêtement une phrase qui s'est avérée en cours d'émission, plutôt en fin d'émission importante. Il a dit quelque chose du genre, alors je le cite pas texto, hein, c'est une retranscription à ma mémoire un peu flageolante. Il a dit en gros, moi la forme je m'en fous, ce qui m'importe c'est de pouvoir faire passer ce que j'ai à dire, et s'il faut en passer par des formes un peu voyantes, ça me gêne pas, moi, pour moi ce qui compte c'est mon message, ce qui est d'ailleurs un point de vue assez défendable. Mais ce qui m'a frappé pendant et jusqu'à la fin de cette émission, c'est que ce postulat, il l'a mis en œuvre avec brio, si bien que, alors ça je l'ai noté d'ailleurs parce que ça m'a fasciné ça. Pendant l'émission, il a affirmé que « je suis un gars honnête, je suis intouchable sur le plan de l'argent, je n'ai jamais bénéficié d'aucune aide, je suis arrivé à la force du poignet, je n'ai jamais pistonné personne, et à aucun moment, on l'a questionné sur ces points, qui sont peut-être vrais, peut-être pas, mais à aucun moment, on lui a posé la moindre question. » Et je crois que c'est ça son secret. Sarkozy, c'est un hypnotiseur. Le truc le plus flagrant, l'exemple le plus flagrant, celui-là, il devrait finir dans les bouquins de politique, c'est à un moment donné, Fogiel lui a parlé d'une visite de Tom Cruise qui serait passée à Matignon, et Sarkozy, comme ça se fait à chaque fois, a appelé tout le monde, et donc les télés sont venues le filmer, etc. etc. Et Sarkozy a répondu avec un air angélique, une phrase qui est quand même une phrase qui tue, qui est « Est-ce que vous pensez que les gens sont assez sots pour voter pour moi parce qu'ils m'ont vu avec Tom Cruise ?» Alors, normalement, la technique qui consiste à s'entourer de vedettes quand on est un homme politique, ça c'est un grand classique, ça se voit à toutes les élections, enfin, c'est vraiment pas nouveau, etc. La logique serait quand même de lui répondre à minima, ben, il semblerait oui, effectivement, que quand on s'entoure de célébrités, on est plus sympathique vis-à-vis des gens. Et bien là, pas du tout. Pas du tout, ils ont zappé à autre chose, et c'est parti comme ça. Et Sarkozy a pu expliquer calmement qu'en fait Tom Cruise passait comme ça, qu'il voulait le voir, il est rentré à Matignon, il y avait des caméras qui étaient là par hasard, donc ils ont filmé ça, mais c'était à la bonne franquette, sympa et compagnie. Et pas une personne dans les 2-3 présentateurs qu'il y avait avec Fogiel n'a percuté. Alors, dans une autre vie, j'ai été photographe de presse, alors je peux témoigner que, enfin ça je pense que sans être photographe de presse, on doit s'en douter un petit peu, que Matignon c'est assez loin d'être un moulin, on rentre pas à Matignon comme ça, et l'idée de Tom Cruise qui passait par là et qui est venu voir son vieux pote Sarkozy pour lui serrer la louche, et puis de caméramans de télé qui passaient comme ça, ils n'avaient pas grand chose à faire, eux ils passaient, ils sont jetés, hein, ils ont vu de la lumière, ils sont rentrés, ils ont filmé le coup, enfin, c'est quand même à se pisser dessus de rire. Et bien personne a réagi dans l'émission, et toute l'émission s'est déroulée comme ça. Donc la morale de cette histoire, c'est qu'il faudrait que dans les instituts d'études politiques, voire dans les partis politiques ou dans les associations, on relise attentivement le livre de la jungle, parce que manifestement, quand on applique scrupuleusement les méthodes de K.A., bah le moins qu'on puisse dire, c'est que ça marche très fort. L'histoire de Sarkozy, ça m'a plutôt fait rire, mais il y a une chose que je trouve en revanche assez désagréable, c'est la récupération par notre Premier ministre préféré de cette histoire d'attitude positive. Enfin, on dit positive attitude pour faire chic maintenant. Alors, on en rigole, c'est vrai que c'est pas très difficile de rigoler de Raffarin, mais En fait, on devrait rire jaune parce que je pense personnellement qu'il est dommage que Tartarin, qui est sans doute l'homme politique le plus grotesque qu'on ait eu depuis longtemps, récupère la paternité de l'optimisme et de la positivité. Après tout, l'optimisme, c'est plutôt un truc bien. Ce qui est moins bien, enfin, il me semble, c'est que on se paye sa tête, parce qu'il utilise ce mot un peu à contresens, sans se poser la question pourquoi est-ce qu'on ne l'est pas forcément positif ou optimiste. C'est quand même très gonflé de sa part de dire des trucs pareils. Si les gens sont un peu moroses, c'est aussi parce qu'ils sont au chômage, qu'ils ont des problèmes de thunes, qu'ils ont des problèmes pour se loger, etc. Et s'il y a une personne qui est payée pour essayer de trouver des solutions, ou au moins des solutions si ça existait, ça se saurait, mais au moins des aménagements pour que les choses soient un peu moins pires, et donc que les gens deviennent un peu plus positifs et optimistes, c'est bien Tartarin. Donc l'entendre comme ça clamer qu'il faut être optimiste alors que son job c'est de faire que les gens le sont, il y a un côté un peu pervers qui est masqué, je crois, par l'espèce de rigolade qu'il suscite en balançant comme ça ses phrases à 2,50 francs. Et cette méthode, elle n'est pas nouvelle, c'est pas Tartarin qui l'a inventée. Ça doit remonter à un an et des poussières. Un certain nombre de gens des médias ont pratiqué exactement la même chose. Ça existe toujours, ça s'appelle The Positive Network. C'est une association qui, alors là je le cite parce que ça vaut son pesant de noisette, qui a parmi ses postulats de départ: nous vivons souvent les problèmes soulevés par l'actualité avec un sentiment d'impuissance, or les réponses à leur apporter existent déjà en germe un peu partout dans le monde. Certains journalistes savent détecter ces solutions, ces sources d'espoir, ces initiatives, leurs articles et leurs reportages nous incitent à devenir acteurs à notre tour. Dit comme ça, à la limite, ça peut presque paraître sympa. Mais lorsqu'on regarde la liste de ces gens qui déplorent que les journaux ne laissent pas assez de place aux gens qui font des trucs intéressants, ce qui encore une fois est après tout une idée qui n'est pas forcément plus bête qu'une autre, dedans on va trouver des gens comme Denis Jambard, qui est directeur de la rédaction et de la publication de l'Express, je crois, ou Laurent Geoffrin, qui était avant directeur de la rédaction de Libération, qui est maintenant directeur de la rédaction du Nouvel Observateur, et puis, bon, c'est juste deux exemples, et toute une flopée comme ça de gens qui sont précisément ceux qui font ces journaux, ceux qui sont à la barre de ces journaux. Et c'est assez incroyable que ces gens qui donc ont le pouvoir de décider qu'on va s'intéresser à un peu autre chose que la Starac ou la dernière gaudriole du politicien en vogue, pour peut-être également parler aussi de choses plus intéressantes, se regroupent en club pour pouvoir tous ensemble, avec l'air extrêmement contrit, dire que oui, effectivement, il faudrait que les journaux parlent plus de ci, de ça, etc., etc. Et ça, c'est d'un cynisme qui frise le scandale. D'ailleurs, il y a même un prix du reportage de l'espoir, je crois, un peu dans l'esprit du journal des bonnes nouvelles de Canal+, il y a quelque temps, qui est décerné à quelqu'un qui a réussi donc manifestement à échapper à la direction de son journal, qui elle-même est entre les mains des mecs qui remettent le prix du journalisme L'Espoir pour arriver à parler d'autre chose. Enfin, oui, c'est un truc un petit peu quand même un peu bizarre. Et à l'époque, du coup, qui s'occupe de Place Publique, qui est une association dont vous trouverez l'adresse sur la partie écrite de cette note, et qui justement essaye de promouvoir des médias citoyens et essayer de mettre en lumière les gens dont on ne parle pas dans les journaux et qui font des trucs intéressants sans avoir accès aux médias. Elle s'était un peu énervée à l'époque, un peu maladroitement, si fait qu'elle s'est fait flinguer sur son propre forum, mais elle a publié une espèce de lettre ouverte, une espèce de coup de gueule comme ça, pour dire c'est un peu scandaleux de voir tous ces gens qui normalement ferment la porte à tout le monde et qui d'un seul coup se regroupent autour de petits fours pour décréter que oui, c'est effectivement un scandale et qu'il y a plein de gens dont on ne parle jamais. Je vous encourage à aller lire son texte. Alors elle l'a écrit manifestement sous le coup de la colère. Il est plutôt mal goupillé. Ses arguments se reposent sur des exemples qui sont des mauvais exemples, mais le fond est intéressant, parce qu'au fond elle a raison. It's so plain to see, girl, you gotta be a part of me. There's a voice in me keeps on telling me, girl, you got to be with me. Hey, I'm in this world of misery, 'cause I'm missing so much ecstasy. I've got to stand. Pour finir sur une note bien plus légère, on va parler de Kingston. D'ailleurs, à ce sujet, on entend un percussionniste jamaïcain qui s'appelle Marogini. Kingston, donc, c'est de la bonne. Mais c'est pas celle qui se fume, c'est celle qui se met dans les appareils. Kingston, si vous fabriquez, vous assemblez ou vous bricolez votre PC, c'est une marque que vous connaissez peut-être, c'est une marque plutôt haut de gamme qui fabrique de la mémoire pour PC. La mémoire Kingston, c'est fait plutôt partie des bonnes mémoires. Et c'est une boîte qui était un peu absente du domaine des cartes mémoire. Et Kingston est en train de se relancer. Ils avaient commencé il y a quelques temps, mais avec un peu, de manière un peu timide. Mais enfin, ils sont en train de se lancer, ce coup-là, plus vraiment, sur les cartes mémoire, avec une gamme complète classique qui n'a rien d'extraordinaire. La seule chose bien, je trouve, c'est de voir ces boîtes, qui sont des boîtes de qualité, qui sont tout à fait comparables aux autres fabricants de qualité, comme Lexar ou SanDisk par exemple, qui arrivent donc sur ce marché. Pour ceux qui sont un petit peu paranoïaques, la particularité donc des cartes mémoire Kingston, c'est qu'elles sont garanties à vie. Donc si jamais ça foire, vous la rapportez et on vous la change. C'est une petite pub gratuite mais méritée, parce que Kingston, c'est une boîte qui fait du matériel plutôt bien et qui jusqu'à maintenant était absente de ce milieu là Voilà, c'était tout. Pour finir, on va se quitter avec un groupe de Boston qui s'appelle Oma. La chanson s'appelle Recure. Donc, salut, à bientôt. Et n'oubliez pas, si vous avez envie de réagir, c'est la journée au 08 70 73 28. Allez, salut.